émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Tal. Passez une bonne soirée, c'est reparti mercredi soir avec Tal, comment va? Ça va et toi? En pleine forme? Bah toujours. Bon, prêt pour une nouvelle soirée avec l'album qui est sorti lundi dans les bacs, c'est à l'infini le live tour. Yes. CD, DVD pour revivre ces moments, ils étaient combien? 400 000 à te suivre sur scène. C'est un truc de malade. À venir te voir dans toute la France. Ouais. Même ailleurs, t'as joué ailleurs aussi? Belgique et Suisse. Belgique et Suisse. Ouais. Avant d'attaquer à l'international. Eh ben on espère. Comme c'est le morceau. Et ben on va pouvoir le découvrir cette semaine encore. Des morceaux à découvrir dans un instant. On vous passera le fameux Wanna Be Starting Something, qui est une des reprises de ce live. Ouais, de Michael Jackson. De Michael Jackson, que tu as fait pendant la tournée. Ouais, je suis fan de Michael. Je me voyais pas faire de la scène sans chanter une chanson à lui, quoi. Il y a une autre reprise. Il y a aussi Bob dessus, hein. Ouais, Bob Marley. J'ai grandi avec Bob Marley, donc pareil. Le fameux I Shot the Sheriff qui est dessus, qui est sur le live. Ouais, qu'on écoutera peut-être d'ailleurs dans la semaine entre 20 et 21. Et là, on va revivre rapidement en concentré. Ce qui s'est passé hier soir dans le Planète Rap de Tal, ça donnait ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Bienvenue, c'est reparti pour un nouveau Planète Rap, deuxième soirée avec Tal en pleine forme, vraiment là. Toujours. Au top de la forme. Ça va? Ça va et toi? En pleine forme, tout va bien? Bah ouais, écoute. Un peu fatigué, mais on fait avec. Ah, alors en ce moment, c'est dur. On allait s'évader. Vive là encore une autre saison. Il y a trois propositions, c'est vous qui décidez du programme. Tu feras un live tout à l'heure en fin d'émission. Ouais, et c'est aux auditeurs, auditrices de Skyrock de choisir. Tu veux les annoncer? Donc en 1, Tom Ford de Jay-Z. Magnifique. En fait, si tu veux, c'est Tom Ford et Holy Grail. Holy Grail. Comme on avait fait avec Ralph. Normalement, Ralph viendra. Crazy de Seal. Mm-hmm. Et Price Tag de JCJ, ça faisait super longtemps. D'ailleurs, mon premier Planète Rap, je suis venue pour un EP qu'on avait sorti sur iTunes. Mmh. Et il y avait Price Tag dedans. Toi, ton souvenir, le premier truc qui te revient en tête sur cette tournée C'était quoi déjà? Je sais plus. Ah non, c'est pas ça, c'est que sur Cash. Oui. Ah oui, c'est ça. Je m'en rappelle. En fait, c'est Sarah qui ramène le pied. Oui, c'est ça. En fait, sur Cash, en fait, à un moment, je sais plus ce que je fais, bref. Tu prends ta guitare. Ouais, je fais un truc à la guitare et en fait, donc je chante pas. Et elle ramène le pied de micro et en fait, elle a ramené celui de Kif et Kif, il fait 2 mètres. Et le micro, il était là. Il était je pouvais pas chanter en fait. Du coup, il pouvait plus chanter. Ah ouais. Planet Rap. Planet Rap. On allait s'évader. Vive là encore une autre saison. Une carte postale comme horizon. Yeah. I can spend the weekend at safari. Play you out like a Atari. Sacrifice you, Harvey Curry. And I'm sorry. Every single rapper, Dick and Harvey. So you ain't the one to spar me, cause I take my repertoire. Mommy, reminds me of eating calamari in the Kalahari with the band of Rastafari. So ooh. You shouldn't diss refugees. You won't sound that much. Ça y est, c'est fait, hein, c'est. Clôturé, voilà, on m'apporte à l'instant même le résultat. Ah oui, serré. Ah ouais. En choix 1, nous avions donc la reprise de Jay-Z, Tom Ford avec Holy Grail, 40%. Le numéro 2, Seal Crazy, 19%. Donc ça, Seal, ça y est, c'est fini, on remballe à la maison. Et enfin, en choix numéro 3. Non, mais. Moi, je l'aime bien, Seal. Oui, mais moi aussi, mais là, ce soir, on voilà. Et numéro 3, donc ça, c'est vraiment quelques votes près. 41% pour Jessie J, donc vous nous faites la reprise de Price Tag maintenant. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. Come on. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Wanna make the world. Voilà, ça c'était hier soir. Ce soir, une nouvelle page à écrire avec Tal et cet album à l'infini live tour. On va débuter avec un morceau, donc on en parle à l'instant. Morceau de Michael Jackson, mais juste avant, petit jeu comme chaque soir. Ouais. Le jeu est simple, tu proposes 3 morceaux. Exactement. Et c'est les auditeurs, auditrices de Skyrock qui tranchent. C'est ça. Pour connaître le live que tu feras à la fin. Avec le hashtag Tal sur Skyrock. Avec le hashtag Tal sur Skyrock, avec les SMS 41759. Numéro 1, chanson proposée, c'est quoi ce soir? Alors, numéro 1, Ragamuffin de Célassou. Ah. On va remettre. Tu nous reglisses le petit Célassou, j'ai envie de le faire, le Célassou. Hein. Non, mais écoute, on met les chansons qui n'ont pas été sélectionnées. C'est vrai, tu as raison. Comme ça. bon voilà. Donc, il y en a pas 10 000 non plus, hein. Je peux pas, j'ai pas le temps de répéter trop de chansons. Tu n'es pas un jukebox, quoi. C'est ça le truc. C'est ça, exactement. Donc c'est la sous numéro 1. C'est la sous numéro 1, en ragamuffin. Ensuite, My Love Is Your Love de Whitney Houston. Fameux My Love Is Your Love de Whitney Houston, en numéro 2. Et en numéro 2, Man Down de Rihanna. En numéro 3. En numéro 3, Rihanna avec Mendon et son fameux Rom Pom Pom Pom. C'est ça. Que tu nous feras peut-être en live. À chaque fois, on a des grands souvenirs quand tu fais ce morceau. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis venue ici, j'ai toujours voulu faire du Mendon. Donc peut-être ce pourquoi soir. On va pas revenir aux sources. Quoi. Rihanna, envoyez les messages 41759. 1, 2 ou 3. 1, c'est Célassou. 2, Whitney. Ou 3, Rihanna. Avec le hashtag Tal sur Skyrock. On débute avec le Jackson. Allez, c'est parti. Allez, coup d'envoi. Wanna be starting something maintenant. Mama say, À l'instant, Tal et sa reprise de Michael Jackson, Wanna Be Starting Something sur Skyrock entre 20 et 21 dans Planète Rap. Et ça commence à bien voter, hein. Dites-nous, on a lancé les votes. La reprise de Tal tout à l'heure à la place de numéro 1. C'est Célasou numéro 2, Whitney Houston numéro 3, Rihanna. Vous votez au 41759 avec le hashtag Tal sur Skyrock. Dans un instant, je vous filerai les premières tendances d'ici quelques minutes, Tal. Yes. Ouais. Mais juste avant, tu sais, tu es devenu toi-même quelqu'un que l'on reprend énormément. Qui pas, excuse-moi. Tu es devenu quelqu'un que l'on reprend énormément parce que tu nous parlais des reprises et des reprises que tu nous fais chaque soir, mais toi aussi on te reprend. Tu ah as ouais vu un peu, tu as vu un peu sur le net toutes les reprises de tes morceaux. Ouais, j'en ai vu. Tu guettes mais... un peu ou rarement. Écoute, je suis déjà tombée sur des vidéos de fans qui reprenaient des chansons et il y en a qui sont pas mal aussi. Mmh. Et c'est assez marrant de voir ça parce que moi je me vois en fait avant je mettais des vidéos sur YouTube de reprises d'artistes que j'aimais beaucoup et c'est marrant de de voir ça l'inverse bizarre, quoi. Enfin, ouais, ça fait hyper bizarre, ouais. Oh merde, j'ai vu une meuf, je crois qu'elle est australienne, ouais. elle chantait Marche au soleil, je crois. Et elle a un accent quand elle chante en français, c'est hyper mignon. Et ça ouais, j'ai trouvé ça assez hallucinant quoi parce que du coup ça avec YouTube, on peut arriver à n'importe quel pays. Et bah toucher tout le monde. C'est dans le monde entier. Ouais. Et d'ailleurs, tu nous parlais de cette australienne et on a fait un petit medley. Ouais. De toutes les reprises qu'on a pu trouver sur le net. Et d'ailleurs, tu vas entendre cette fameuse australienne. Ah, d'accord, ok. Allez, on écoute ce medley des covers de Tal. Chauffe mon cœur, tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens, la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Planet Rap. Salut les gens, c'est Ferrat. Je suis en compagnie de Doudou Panda et on va vous interpréter le passé de Tal. Et le passé envolé, le passé traversé, traversé, éviter tous ces orages. Le passé envolé, le passé avancé, pour trouver au moins tous les courages. Il y a des jours où la vie en demande beaucoup, des jours où je ne comprends pas tout, je suis peu dur, on se souvient alors. Voilà. Ah, c'est trop mignon. On t'a compilé un petit peu. Alors il y a beaucoup du passé. Entre Souris et l'âme. C'est notre amie australienne. J'adore. Le sens de la vie qui est beaucoup repris aussi. Ouais. Bon, t'as énorme. Épargné les carnages qu'il y a eu. Hein. Il y en a quelques-uns. Là, c'est cool. Hein. Je te cache pas qu'en fouillant, il y a quelques carnages aussi. Ah bah, on peut pas avoir que des bons chanteurs. Hein, ouais, non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, là, voilà, plutôt juste. Hein. Bah ouais, carrément. C'est assez marrant d'entendre des gens qui chante et qui chante mes chansons, ça c'est. T'attends d'aller voir beaucoup ou pas trop sur le net de voir ce qu'on dit sur toi. Mais en fait, quand je vais sur le net, je regarde jamais. Enfin, c'est très rare que je regarde des choses sur moi parce que j'aime pas ah me bon regarder. Ouais, tu j'ai n'es du pas mal. Égocentrique hein. À ce moment-là. Ah, tu n'as pas tout. De Tal dans un moteur de recherche. Pas du tout. Ah, je déteste. Je préfère voir des artistes que j'aime et tout ça. J'aime pas me voir en fait. Ouais. Voilà. En tout cas, c'était pas toi, mais c'était de belles reprises. Ça me fait plaisir d'écouter des reprises de personnes que je connais pas, et c'est assez marrant, quoi. Et ben voilà, c'est merci à toutes ces personnes d'ailleurs qu'on a réalisé, et bravo à tous ceux qu'on n'a pas sélectionnés parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Ouais, j'imagine. Je vais aller regarder. Il faut que je trouve le temps. Tu fouilles un petit peu, tu vas voir. Ouais. Sur Skyrock, c'est Tal, notre invité. Le live est sorti lundi. On en écoute un extrait. Qu'est-ce qu'on met comme morceau maintenant? Alors, qu'est-ce que tu as envie de mettre comme live, comme extrait du live? On peut écouter le passé, tiens. Et bah allons-y pour le Sourire et larmes. Sourire et larmes, ça a été enregistré à Montpellier lors de ta tournée. Il y a ouais. eu un gros carton. Et d'ailleurs, une tournée qui repart aussi, mais une version acoustique à partir du mois exactement, de janvier. Exactement, à partir du 31 janvier. 31 exactement. Janvier, 40 dates. Ouais, c'est ça. De prévu avec et un passage à Paris. Et on va aussi venir à l'île de la Réunion. Oh bah terrible. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que du coup, même avec la tournée à l'infini, on n'a pas pu y aller. Et là, c'est l'occasion de le faire. T'éclates à la Réunion. Ouais, c'est cool. Ouais. Très sympa là-bas. J'ai été une fois il y a très longtemps. Ils ont une spécialité locale que je te conseille qui s'appelle le Zamal. Le Zamal. D'accord. Fabien connaît. Qu'est-ce que c'est? Ah bah tu voteras. Par contre, ne compte pas monter sur scène après. Hein. D'accord, ok. Tu demanderas. Je vais demander. Ouais, je penserai à toi. Tu penseras à moi quand tu demanderas le Zamal et surtout, ce sera les heures d'après. Tu te diras. Ah ouais, merde. Ah le salaud. Ah le salaud, amenez-moi de l'eau, faut que je me baigne. Ça va. Bon, on écoute le morceau qui s'appelle Le Passé, c'est extrait du live tout de suite. Et puis je disais, ouais, sur la tournée acoustique, deux dates, 28 et 29 mars au Casino de Paris et puis toutes les autres sur les réseaux sociaux de Tal. Traverser, éviter tous ces orages. Et le passé. Voilà le live. Pour revivre les moments avec Tal, ceux qui ont vu d'ailleurs sur scène Tal, dites-nous, hein, envoyez des messages, vos souvenirs de concert avec Tal, ouais. Ce qui s'est passé d'ailleurs avant le concert, après le concert. Tiens, dites-nous plein de petites anecdotes, parce que souvent les concerts, il y a toujours des, je sais pas si toi c'est arrivé quand t'allais voir des artistes en concert. Ah oui, il y a toujours des histoires avant, pendant, après. Carrément. Ou t'attends 3 heures avant, on t'a pris ta place. Ouais, c'est ça. Donc racontez-nous vos anecdotes avec les concerts de Tal aussi, 41-759, le hashtag Tal sur Skyrock. Et donc ce morceau où on retrouvait la reprise aussi de I Shot de Sherry, puisque tu fais, tu commences par Mon Passé, I Shot, et tu reviens sur Mon Passé, remix aussi. Le passé. Le passé, pardon. C'est pas grave. Excuse-moi. Ça peut être le tien aussi, ton passé. Je jouerai donc en punition, je jouerai de la guitare tout à l'heure pendant tes morceaux. Ah, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien t'écouter. Ouais, tu vas pas être déçu. Bon, tiens, faisons un petit point d'ailleurs sur les propositions. Tout à l'heure, tu nous as proposé 3 morceaux. Un seul sera repris par Tal avant 21h. En place de numéro 1, il y avait Célasou qui pour l'instant récolte 30% des votants. En numéro 2, c'était Whitney avec un 10% des votants. Mm-hmm. Et 60% pour Rihanna. C'est bien parti pour cette reprise de Men Down. Eh oui. Alors, peut-être tout à l'heure, Rihanna, que tu reprendras dans l'émission entre 20h et 21h. D'autres morceaux aussi, qu'est-ce qu'on va passer d'autre, Tal? On peut passer Something New. Mm-hmm. C'est un titre de mon album en fait qui est pas sorti en single et qui est en anglais, donc pour ceux qui la connaissent pas, je vous la laisse découvrir en live, donc la version live. T'as pas testé de nouveaux morceaux sur la tournée ici pendant cette grosse tournée? Il y a pas des morceaux Non, parce que si tu veux, j'ai pas eu le temps de composer de nouvelles chansons, donc non. Non, y a mais pas je pense pour la tournée acoustique, j'espère en tout cas avancer des nouveaux titres et pouvoir en jouer des nouveaux titres sur scène. Ouais, ça serait cool. Donc tournée acoustique, on le rappelle, c'est à partir du mois de janvier dans des salles plus petites. Hein, ouais, c'est ça, pour exactement. Être plus proche des gens. Casino de Paris, et puis c'est des salles de 1000 personnes environ. Avec un orchestre. Avec mes musiciens. Avec tes musiciens. Et deux choristes. Combien tu Il y a 4 musiciens et 2 choristes et moi. Donc voilà, je vais aussi jouer à la guitare, au piano. Voilà. Et pourquoi en fait t'as décidé ça en fait, d'un seul coup de partir sur le côté acoustique après une grosse tournée? J'ai toujours aimé ça en fait. Si tu veux, avant de faire cette grosse tournée, j'ai chanté dans des piano bars avec ma guitare, avec des musiciens et justement ça me manque un peu cette proximité aussi avec les fans et sentir les gens. Et puis voilà, c'est plus intimiste donc j'aime beaucoup ça et puis surtout que j'aime l'acoustique. Donc on revient aux sources en fait. Eh ben, retour aux sources dès le mois de janvier avec un passage au Casino de Paris 28 et 29 mars avec Tal. Bougez pas, on revient dans quelques minutes. Morceau Something New à écouter, c'est juste après ça. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Tal entre 20h et 21h sur Skyrock dans quelques minutes. Je crois que Fabien à un moment était parti. Mais non, il est toujours là, vous le retrouverez d'ailleurs avec toi en live dans quelques minutes. Vous votez toujours pour la place de numéro 1, c'est Célasou, numéro 2, Whitney Houston, numéro 3, Rihanna. Quelle sera la reprise de ce soir? C'est vous qui décidez du programme en envoyant au 41-759, 1, 2 ou 3, ou avec le hashtag Tal sur Skyrock. Tal, on avait dit avant la pub qu'on devait passer Something New. Mais il n'est pas dans ce live. Ouais, la j'ai oublié en fait. Audio. Elle est voilà. En fait, il est sur le CD DVD. Sur le DVD. Voilà. Et en fait, si tu veux, dans le audio, on pouvait pas mettre tous les titres parce que ça rentrait pas dans un CD. Donc on m'a demandé alors comment on fait. Il faut choisir. Il faut choisir. Et donc malheureusement, on n'a pas pu le mettre celui-là. Bah, c'est pas grave, vous le retrouverez dans le DVD. Exactement. Puisqu'il avec, y a CD, avec DVD, l'image en plus, donc c'est avec, cool. Avec l'image en plus, que demander de plus. Donc on s'est rabattu sur un autre morceau, mais pas des moindres. C'est un morceau qui s'appelle Une autre personne. C'est ça. On balance? Allez. Allez, c'est parti direct. Maintenant. Hey, Raz, give me a snap. Okay. You got me going into deep trouble. Sometimes I'm lost in a jungle. But when I hit that key drum of the drama, I feel like a beast on the beat. Je m'abandonne, moi-même je m'y donne. C'est la nuit qui m'appelle. Ce soir je m'abandonne, je vais enfin m'échapper, m'inventer sous la lumière. Look at me going wild, comme un loup dans la nuit, comme un loup dans la nuit. Look at me going wild, et quand vient le soir, moi je me transforme. Je suis C'est extrait du live Une autre personne avec Tal, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. Dans un instant, une reprise que tu viens de faire et même un autre morceau en live. Tal, il paraît. Oui. Tu fais deux morceaux, non? Oui. J'ai toujours l'impression que tu débarques. En fait. Il y a un moment en fait dans l'émission où oui, t'as été. Et pourtant, je fume pas, je bois pas. Bah, c'est dommage, tu devrais essayer justement. Alors pour demain. Alors moi, je parle. Toi, tu parles. Moi, je parle. Ouais. Ouais, moi, je parle. C'est le titre en fait de la chanson. Sais, ok. On va y arriver. Faut qu'on y arrive tous les deux. Hein. Si à un moment, si à ce temps-là on commence à plonger, c'est mort. Hein. Ouais, c'est clair. Il nous reste encore un petit peu de temps à tenir avec toi. Ça, moi je parle, ça va ? Moi je parle très bien. On commencera par quoi ? La reprise, le moi je parle ? Bon, réfléchis. T'as le temps pour réfléchir, tranquille. Tout va bien, juste avant, je te présente Marocco de Valence. Salut Marocco. Salut Fred, ça va ou quoi ? Ça va, Tal avec nous toute la semaine. Tu connais Tal ? Ah ouais, ouais, je connais. Salut, ouais. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Bon, Marocco. D'ailleurs, je voulais te dire. Il y a quelqu'un qui est fidèle à mes musiques et tout ça. Il m'a dit de te faire passer le message. Il a son album et il kiffe à mort ce que tu fais. Ah, c'est gentil. Mais il s'appelle merci. Comment, Marocco ? Il s'appelle Sabri. Eh ben, tu lui fais un bisou. Sabri, une grosse dédicace à lui. Ouais. Il n'y a pas de souci. Merci, c'est gentil. Marocco, est-ce que tu es un peu barbu, moustachu ? Est-ce que tu as trop de cheveux ? Non, j'ai coupé mes cheveux il n'y a pas longtemps. Eh bien écoute, quand ça repoussera, j'ai un truc pour toi, puisque chaque semaine vous repartez avec le rasoir Click and Style de chez Philips. Oh, et puis on est en train d'organiser un truc sur le skyrock.com/shaveandplay pour rencontrer Youssoufa, pour rencontrer Cut Killer et peut-être les raser après une grosse partie de jeux vidéo. Donc allez faire un tour, allez cliquer. Et toi, il y a le rasoir Click and Style de Philips. C'est pour toi. Merci, ça fait plaisir. Et bon, on t'écoute rapper mon pote, c'est parti Marocco. Oh, ok. Session et freestyle, t'as une 30 pour tout défoncer, c'est à cap. Ça fait. A cappella. Parfait. Yeah. Mon rap a pris maturité quand mes potes on décale. Quand j'ai vu qu'à l'école, ouais ma gueule, j'étais naze. J'ai tourné à rien faire, sans diplôme, sans dirham. Et quand la joie m'appelle, j'oublie vite que je suis mal. Faire de la peine à ma mère, pour moi c'est le plus gros des drames. Lui faire connaître l'enfer, car sous Jack ça m'est égal. Noyé dans l'ivresse, qui te guide, c'est le chétan. J'ai masqué mes erreurs avec un bic et une basse. J'ai beau rapper ma rage, mais le mal me rattrape. J'ai beau rapper ma life, mais mon vécu reste intact. Ma vie un défenseur, à chaque attaque, je mange un tac. Et si ma rime t'écœure, c'est que ton papa te donne sa carte. Dans le ring de ma life, crois-moi j'ai mangé des baffes. Dans les larmes de ma main, crois-moi j'ai trempé mes gaffes. Et quand tout va mal, je me guéris avec mes gars. Pensez au futur, la musique ou le RSA. Pour l'instant c'est la merde, mais comment gérer ça? Effriter son mal-être, mélangé dans des massages. Je suis comme toi, je veux pas l'admettre, mais je sais que je me massacre. Du haut de mes 19 balles, je vois que le temps passe. Au fond, je suis comme Béné, je crois que je suis dans l'impasse. Tête cramée à vie, pourtant je me fonds dans la masse. J'ai rien d'exceptionnel, je suis être humain à la base. Des fois je me tape des barres, des fois je me tape des crasses. Je suis bourré au peura, y'a que ça que je sais faire. Libère dans mes vers, tu comprendras mes défaites. Dites au prof de maths que parallèles sont mes échecs. La vie un film de boule rempli de X et d'équerre. On vient pas du même moule, crie l'orage à l'éclair. Toujours un temps d'avance dans mes punchs, dans mes textes. Je rêve du paradis, mais mon présent pue l'enfer. Je deviens insomniaque en attendant en commentaire. Yes, Marocco à l'instant, terrible en freestyle. Bravo Marocco. Ah bah merci à vous hein. Tout défoncé. Et bon, salut une fois de plus Sabri. Et ouais, on t'envoie le rasoir pour dès que ça repousse, tu pourras te mettre bien. Et je voulais passer aussi une big dédicace à toute ma team Roloto Black Blamber, de partout, tous ceux qui me supportent, Team Black Mafia, et ma page Facebook Marocco 26. Allez faire un petit tour. Et bon, voilà, on va aller cliquer tout ça. Merci à toi Marocco. Et bah merci à vous. Ciao, salut. Passe une bonne soirée. Dans un instant on va attaquer. Alors ça se précise hein, c'est actuellement Rihanna vraiment là, qui est en train de laminer Célasso et Whitney. 82% pour Rihanna pour la reprise de Rom Pom Pom Pom. Donc on est parti pour un Rihanna si ça te va. Bah moi les trois me vont, donc tout va bien. Et bah peut-être Rihanna dans un instant en live, à moins que tout se renverse et il vous reste, elle est quoi, 4 minutes pour voter. 41759 avec le hashtag Tal sur Skyrock. Et là on va écouter un morceau extrait du live, un morceau qui s'appelle Cash. Ouais, ouais. Ça ouais. te va? Ça me va très bien. Allez, c'est parti, Tal maintenant. Yeah. Le Planète Rap avec Tal et le live, ce morceau à l'instant qui s'appelle Cash, que vous retrouverez sur le live qui est sorti lundi à l'Infini Tour, à pas louper dans les bacs avec la partie DVD, CD et DVD. Ouais, c'est petit, ça, exactement. Petit souvenir, c'est le moment du petit souvenir du live. Toi, généralement, avant de monter sur scène, c'est dans quel état? Alors, je me rappelle la première date, j'étais. En fait, je réalisais tellement pas que je suis allée, genre, comme si genre j'allais normal, j'avais aucun stress. Et en fait le lendemain j'ai réalisé ce qui m'arrivait. Et le lendemain je m'en rappelle j'étais stressée mais un truc. Donc sur la deuxième date. Sur la deuxième date. Et j'étais vraiment pas bien, genre j'étais vraiment pas bien, j'avais le cœur qui battait fort, je tremblais et tout, un truc de ouf. Et en fait bon après je suis montée sur scène, bon forcément le track disparaît. Et puis après au fur et à mesure bah j'avais moins de stress parce que voilà je me sentais bien et. Et je savais comment me canaliser, etc. Et non, en règle générale, bah je suis dans ma loge, je me détends. Ouais, j'aime bien déconner. Après, j'aime bien quand même avoir quand même une demi-heure de concentration seule, tu vois, pour bien faire respirer, tout ça, faire le vide. Mmh. Et puis surtout chauffer ma voix, me préparer physiquement, quoi. T'entends aussi d'ailleurs quand t'es derrière le rideau avant de monter sur scène, t'entends les bruits. Bah alors ça dépend des salles, t'as des salles où on n'entend rien du tout, on est dans les loges où on n'entend rien, et t'as des salles où on entend grave. Et ouais des fois t'entends et c'est assez ça met encore plus la pression en fait quand t'entends les gens. Bah tu m'étonnes. Bah là vous le revivez en tout cas avec la partie DVD aussi de Tal, puisqu'il y a CD, DVD, c'est dans les bacs depuis lundi. On le découvre et là il est grand temps maintenant de passer au live, mais au live dans l'émission. Ouais. Alors on en est où sur les résultats? C'était ta question, hein, tu allais me poser cette question. On en est où sur les résultats? Exactement. Quel morceau vas-tu faire ce soir? Tu parles à ma place, c'est génial. À 83% auditeurs et auditrices de Skyrock ont voté pour le morceau de Rihanna. D'accord. Le rom pom pom pom. 7% pour Whitney. Et donc par déduction, c'était fort en maths. Menda, oui, évidemment. Non mais 10% pour... Ah oui, pour c'est l'assaut, voilà. Ah ouais, je suis vraiment pas connecté aujourd'hui. C'est des choses qui arrivent. Ouais, j'espère que tu vas être connecté. On commence par quoi d'ailleurs? Tu fais la reprise ou tu fais l'autre morceau? Bah, on peut refaire. On fait la reprise. Et bah, allons-y. Rihanna? Ouais. Un petit coup de rom pam pam pam. C'est parti. Allez, c'est parti. Tal maintenant sur Skyrock. Vos réactions avec le hashtag Tal sur Skyrock. Fabien, toi aussi tu es là, c'est quand tu veux. Life, I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out and stop it, find no behind. But what started all out the simple altercation, turning into a really sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt them. Could have been somebody's son. And I took his heart with I'll put out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Bend down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Oh mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. In front of a bigger crowd. Oh, why? Oh, why? Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down. It's a 22, I got a biggest suit. When she fit, what are they, my shoe? What do you expect me to do? If you're playing me for a fool, I will lose my cool. And which one my firearms? I didn't mean to let him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, no we no longer living, so I'm bound to leave town. Yeah. Cause I didn't mean to hurt them. Could've been somebody's son. And I took kiss her when I'll put out that gun. Rum ba ba bum, rum ba ba bum, rum ba ba bum. Bend down, rum ba ba bum, rum ba ba bum, rum ba ba bum. Oh mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh, oh mama, mama, mama, I just shut a man down. What do you mean, no? Said I never thought I'd do it, never thought I'd do it. Never thought I'd do it, oh gosh. Why ever happened to me? Ever happened to me? Ever happened to me? Why until I pull and trigger, pull it, trigger, pull it, trigger, pull. And any girl, laugh so soon while I pull it, trigger, pull it, trigger, pull it, from you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hit rum, pa pa pum, rum, pa pa pum, rum, pa pa pum. Me say one man down. How am I say? Rum, pa pa pum, rum, pa pa pum, rum, pa pa pum. And I went downtown. Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh la la mercy. Now I am a criminal. Man down, tell it just yes, give me, me, me, no. Run up to Tom and him as criminal. Oh, mama, I just shut a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh, mama, mama, mama, I just shut a man down in Central Station. Magnifique. Merci. Tu vois, même quand t'es loin, même quand tu pars ailleurs, t'arrives à te reconcentrer pour la musique. Ouais. Incroyable. C'est ça. En fait, je suis déconnecté, mais avec la musique. Tu te reconnectes. Direct. À l'instant, cette reprise de Rihanna, Tal avec Fabien nous. À la guitare. Et avec d'ailleurs. Fabien aussi, qu'on peut applaudir. Bravo, Fabien. Qui était sur la tournée, Fabien. Ouais, ouais, ouais. C'est mon guitariste. C'est ton guitariste. On l'entend d'ailleurs quand on a passé le live tout à l'heure. Ouais, Fabien. Ouais, c'est ça. Sur le, il a fait un petit solo sur Cash. Mais qui était énervé à la guitare, quoi. Bon, on continue ça. D'ailleurs, ce live, Tal, on est tellement bien quand tu chantes. Ah, bah merci, c'est gentil. Bah oui, c'est vrai en plus. On fait quel morceau? Eh ben on va faire Moi je parle. Mmh. C'est un titre du deuxième album à l'infini. Et en fait c'est un titre qui est un titre produit à la base. Et là on a voulu le faire en acoustique. Putain j'arrive plus à parler. Et tu sais on a fait une version unplug du deuxième album, ouais, exact. Avec des arrangements très acoustiques etc. Et puis Moi je parle on l'a intégré dedans guitare voix. Donc voilà. Donc, et ben on va l'écouter maintenant, on va le découvrir aussi peut-être pour ceux qui connaissent pas encore ce morceau. Ça marche. Tal en live dans l'émission, les images seront aussi à partir de 21h sur Skyrock FM. C'est parti. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. Tu es tout seul, tu y penses à ces murs d'indifférence, à ces vagues de violence. Oui, toi qui n'as vécu ta vie qu'avec les coups et les cris, comme si tout ça s'était écrit. Non, non, non, non, l'espoir n'est pas à vendre. Non, non, non, non, l'espoir n'est pas à vendre. Et alors tu peux te faire entendre. Et alors, au nom de ces visages qui se taisent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Stop au silence, moi je parle. Au nom de ces regards qui se baissent, moi je parle pour tous ceux qui non, tu peux dire non maintenant, même s'il te faudra du temps pour encore rire comme avant. Fuis la peur qui entoure. toutes tes nuits. C'est ton droit, je te le dis. Élever sa voix n'a pas de prix. Oh non, non, non, non, l'espoir n'est pas à vendre. Non, non, non, non, l'espoir n'est pas à vendre. Et alors tu peux te faire entendre. Et alors, au nom de ces visages qui se taisent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Sauf au silence, moi je parle. Au nom de ces regards qui se baissent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Au silence, moi je parle. Non, non, non, non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Qui se taisent, moi je parle pour tous ceux qui ont si mal. Stop au silence, moi je parle. À l'instant, moi je parle, moi je chante. C'était Tal sur Skyrock entre 20 et 21. Très joli, bravo Tal. Et ça, ça fait un petit peu l'ambiance de ce qui va se passer à partir du mois de janvier, plutôt acoustique. Il y aura des moments comme ça, des moments acoustique, guitare-voix, mais il y aura aussi des moments avec tous les musiciens où ça va groover. Et puis j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc à pas louper à partir du mois de janvier avec deux dates à Paris pour l'instant, c'est 28 et 29 mars. Il me semble qu'il y a un troisième Casino de Paris. Déjà, c'est en cours. 28, 29, 30. Ouais, bah, 28, ouais. 29, 30. Premier, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'espère. Bon, il y a plein de dates. Donc, allez checker aussi les réseaux sociaux de Tal, parce qu'il y a toutes les dates. Là, on vous file Paris, mais il y en a évidemment plein d'autres. Ouais. Un peu partout près de chez vous pour retrouver Tal en version acoustique. Avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. C'est parti. Skyrock, Skyrock t'offre les deux concerts uniques de Usher en France. Yeah, avec Sonia de Lille. Ça va bien, Sonia? Ça va super. Je te présente Tal, Sonia, c'est notre invitée. Salut Tal, enchantée, franchement enchantée. Bravo, c'était juste magnifique. Ah, merci. Tu as écouté c'est le live beaucoup, à l'instant. Et bah ouais, c'était, ah ouais, c'est vrai qu'on était bien, ça apaise, tu as vu ça des... Pardon, tu as vu dans ce monde de brut d'avoir un petit peu cette musique, ça apaise, non Sonia? Franchement, elle a une vraie voix, quoi. Merci c'est beaucoup. Juste magnifique, je t'en prie. Est-ce que tu as envie de faire tourner la roulette, Sonia? Eh bah oui, je suis là pour ça. Tu es là pour ça, pour Usher, le concert, la tournée. Usher, oui. Avec Skyrock, 13 février à Montpellier, le 15 février à Paris. C'est quand je veux? Quand tu veux. Première partie, Nico et Vince. C'est avec mon fils, on va crier, allez. Il a quel âge, le petit bout de chou? Il a 7 ans. Ah, 7 ans. Il est trop chou. Ouais. Tu veux dire bonjour à Tal? Bonjour. Comment il s'appelle? Bonjour. Oh. Bonjour. Liam. Comment? Liam. Liam, c'est le Père Noël. C'est pas vrai. Avec c'est Mère pour Noël. Maman le Père Noël. Hein. C'est pour maman le Père Avec Noël. Avec Mère Noël, écoute Mère Noël, elle s'appelle Tal. Bonjour. Bon Sonia, on en est où? On en est sur les cadeaux. Tiens, on parlait de Noël pour toi, Usher. Allez hop, ça y est, c'est fait. Concert de Usher avec l'intégrale de Usher, c'est ce qu'on te file c'est ce pas soir. Vrai. Eh oui, Sonia. Je suis fan de lui depuis que j'ai 40 ans. Eh ben, ans, tu vas pouvoir le découvrir sur scène. Tu vas voir, ça va être dément en plus sur scène. Ah bah j'espère. Un sacré performer, ce Usher. Ah bah super, je vais emmener ma petite sœur, elle fête ses 18 ans bientôt, donc ça sera son cadeau. Et bah on te fait plein de bisous. Non bah moi aussi, à bientôt. Bah merci à vous et continuez. Tal, t'es super. Chal. Merci. Et continue. C'est l'émotion continue. Franchement, t'as une beauté naturelle et je t'aime beaucoup. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Bisous, bisous, ciao, voilà, bonne soirée, soirée. Bisous, des bisous à toute l'équipe. Ciao. Merci Tal, tu reviens demain entre 20 et 21. Merci avec pour plaisir. Cette belle soirée, merci à Fabien. Ça passe toujours très vite ici, c'est un truc de fou. Je sais, il y a un petit coup de mou et là, elle est repartie. Là. C'est reparti, on pourrait même faire carrément une deuxième émission. Voilà, c'est ça. Mais non, il est grand temps de retrouver D-Fool puisque c'est l'heure de la radio libre. Merci Tal. Merci à vous, merci à tous les auditeurs. Et on accueille D-Fool et tout le monde, ça va bien? Oui, ça va bien, Fredo. Bien, bien, bien, bien. Bah ouais, c'est parti, ouais. C'est la radio libre et c'est parti jusqu'à minuit avec ce soir Ed Sheeran qui sera avec nous. Qu'on va retrouver dans l'émission, il vient nous rendre visite. Il va passer, il arrive en France et il passe par Skyrock. Oh, mais ça danse dans le studio. On est en train de danser, Kaïm. Ouais, je vois ça, vous faites une super chorégraphie. C'est ça. Heureusement qu'on est à la radio. C'est frotté à mon cul en fait. Demain soir, ne faites pas un Planète Rap, 20h, 21h. Et débarquez ici, vous aussi, dès maintenant, la radio libre au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez. Et on vous retrouve en direct pour tout ce que vous voulez. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous, toute l'équipe arrive dans un instant. Et on va démarrer avec un petit Ed Sheeran pour ce soir. Ah, allez. Bonne idée. Allez, on se fait Sing. Allez. Version avec Nekfeu de 995. C'est parti. Version exclue Skyrock Sing. Et Ed Sheeran qui débarque avant minuit sur Sky.